Je vais tâcher de, en l'espace du... Combien de temps, au fait ? 50 minutes ? Bon. De traiter devant vous du sujet que, sur lequel nous sommes mis d'accord, Monsieur Oxford et moi, à savoir la linguistique appliquée à l'enseignement des langues, mythe ou réalité. En gros, je voudrais me livrer, et je tiens à vous prévenir tout de suite pour éviter les déceptions ou les chocs que je ne saurais pas tendre pour la linguistique appliquée telle qu'on l'a pratiquée pendant plusieurs années et jusqu'à tout récemment. Mais ce ne sera pas un démolissage complet puisque je crois à une certaine forme de linguistique appliquée. Je voudrais vous en donner, en somme après cette critique, quelques exemples positifs, vous donner mon point de vue sur ce que devrait être cette linguistique appliquée qui, à mon avis, reste à créer, et traiter brièvement d'autres facteurs que ceux de la linguistique dans l'enseignement des langues, entre autres des facteurs d'ordre psychologique. Et là, n'étant pas psychologue, je pourrais simplement me référer à une expérience à laquelle j'ai été mêlé de près il y a déjà une dizaine d'années à l'école française d'été de McGill. Et vous savez que la linguistique a connu depuis un demi-siècle un développement prodigieux qui lui vaut aujourd'hui une place de vedette parmi les sciences humaines. Le linguiste belge Nicolas Rehay, dans sa préface aux essais de linguistique générale du célèbre Roman Jakobson, remarque à juste titre le rôle pilote que joue la linguistique à l'égard des autres sciences humaines. Non seulement la linguistique est la première des disciplines qui ont l'homme pour objet à avoir élaboré une méthodologie rigoureuse et à s'être vraiment constitué en science, mais d'un autre côté, les anthropologues se perçoivent de plus en plus que le langage, ou plus généralement la fonction symbolique, est le caractère le plus propre à définir l'homme, d'où, vous le savez, les utilisations faites par des anthropologues structuralistes comme Lévi-Strauss, les emprunts faits à la linguistique. Et bien sûr, la littérature a fait écho à cette popularité, un peu partout, mais peut-être en France. Les Français ayant découvert la linguistique plus tard que les autres se sont rattrapés, si je puis dire. On sait par exemple que le Geoffroy Gueffier, le héros du dernier, je crois, roman d'Aragon, Blanche ou l'oubli, est précisément linguiste. Dans Le Monde, de septembre 67, le romancier Philippe Solers, le directeur de Tel Quel maintenant, déclare que ce Blanche ou l'oubli est le roman situé par rapport à la grande aventure intellectuelle de notre époque, la linguistique. Mieux encore, les personnages d'un film relativement récent de Jean-Luc Godard dissertent sur l'arbitraire du signe linguistique. Hélas, si je puis dire. Le film, vous le savez, se nomme « Deux ou trois choses que je sais d'elle » où « elle » paraît vraiment bien être la linguistique. On disait que, j'ai entendu dire, ou je l'ai lu dans un livre anglais, que les Français étaient les rares spécimens sur Terre qui pouvaient faire la cour à une femme et la séduire définitivement en lui parlant de Marcel Proust. On pourrait dire qu'ils peuvent faire maintenant la même opération en lui parlant de linguistique. Bon, revenons quand même sur un terrain plus sérieux. Bah, les théoriciens du langage se sont toujours intéressés, de près ou de loin, à l'enseignement des langues. Grammairiens, philosophes, philologues des siècles passés, et on peut remonter très loin jusqu'à Panini, en Inde, vers le IIe siècle après Jésus-Christ, aux grammairiens grecs qui étaient des pédagogues, sans parler des philosophes, des scolastiques, des grammairiens de l'école médiévale, en passant par les jésuites du XVIe et XVIIe siècle. C'est une très longue tradition. N'est-ce pas ? Grammairien, philosophe, philologue, donc, des siècles passés, phonéticien du siècle dernier, linguiste de nos jours. Mais c'est vraiment depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années, les années 40, que date l'entrée en force de la linguistique dans l'enseignement des langues vivantes. Aux États-Unis d'abord, avec le fameux Army Specialized Language Program, mouvement qui a pris une ampleur extraordinaire sur ce continent, avant d'atteindre l'Europe, puis le reste du monde. Ainsi, en l'espace de 20 ans, l'enseignement des langues allait passer d'un stade artisanal à un stade industriel, disposant comme la grande industrie d'un corps de doctrine et d'une technologie avancée. Et bien sûr, pour reprendre les mots de Topaz, de Pagnol, n'est-ce pas, on passait en un sens de la pêche à la ligne à la pisciculture. Nous sommes des piscines, nous immergeons, ou des bassins, nous pêchons nos poissons maintenant. Je rappellerai brièvement les points fondamentaux du corps de doctrine, tel qu'il est admis de nos jours par la plupart des linguistes. Je devrais dire tel qu'il était admis, parce que des grincements se sont fait entendre depuis quelques années. D'abord, le langage est, avant tout, pour les linguistes, un phénomène oral. Ensuite, le langage est un phénomène social. Troisièmement, une langue est un système de communication symbolique, autrement dit un code. Quatrièmement, ce code est essentiellement une entité autonome de dépendance interne, ou en un mot, une structure. Je viens de vous lire du reste la définition du grand structuraliste danois Hjelmslev. Outre ces principes très généraux et fondant largement leurs observations sur le comportement des sujets parlant leur langue maternelle, les linguistes ont prodigué les conseils suivants aux enseignants. On doit traiter une langue comme un moyen de communication entre les hommes et non pas uniquement comme un moyen d'accès à une littérature. L'effort principal de l'enseignement, particulièrement au début, doit porter sur l'acquisition des structures essentielles et du vocabulaire fondamental de la langue. Ces structures et ce vocabulaire doivent s'acquérir d'abord sous leur forme orale. Priorité absolue est accordée à la langue parlée. Autre point, il faut prêter une attention toute particulière aux interférences créées par les divergences entre les structures de la langue à apprendre et celles de la langue maternelle. Enfin, l'apprentissage d'une langue doit être considéré comme le développement d'un ensemble d'automatismes psychomoteurs et non pas comme une série de problèmes à résoudre. Comme on le voit, plusieurs de ces recommandations, la dernière en particulier, sortent largement du domaine linguistique, du domaine de la linguistique proprement dite, et relèvent en fait de la psychologie et de la pédagogie. Mais on est même allé plus loin. Et l'on décréta que l'acquisition d'une langue étrangère devait s'opérer par les mêmes processus que l'acquisition de la langue maternelle, et que, puisqu'il s'agissait de créer des automatismes, l'étudiant les acquérerait en pratiquant des exercices structuraux, les fameux « pattern drills », formés de stimuli auxquels il devait donner une réponse. Bref, on adopta, sans trop se poser de questions, la théorie behavioriste. Bien sûr, toutes ces prises de position peuvent s'expliquer. Elles peuvent s'expliquer surtout par l'échec des méthodes traditionnelles d'enseignement des langues, méthodes fondées sur l'acquisition de la langue écrite et de la pratique de la grammaire à grand renfort de règles. Elles vinrent donc en réaction, somme toute assez naturelle, à un échec. Mais on peut se poser la question. Étaient-elles scientifiquement fondées pour autant? Je tâcherai d'y répondre tout à l'heure. Toujours est-il que très vite, l'on parla de méthode linguistique, entre guillemets, pour l'enseignement des langues, linguistic method, se parant de toutes les garanties d'ordre scientifique, méthode qui n'était en somme que l'application de la linguistique à l'enseignement des langues, ce qui entraîna très vite la création d'une nouvelle expression, linguistique appliquée, applied linguistics, c'est du reste en anglais aux États-Unis que l'expression a été formée, et vous savez la fortune de cette expression. Bien, cette méthode linguistique, vous en connaissez les grandes lignes, phrases à apprendre par cœur, par la répétition, pattern drills, grammaire inductive, au lieu de partir des principes de grammaire, on part du concret, on essaye d'en tirer les principes. Or, après une vingtaine d'années de prolifération des différentes moutures de cette méthode dite linguistique, on peut se poser quelques questions. Et effectivement, ces questions, professeurs de langue vivante et psychoéducateurs se les posent. Prenons tout d'abord la priorité de l'oral sur l'écrit. Elle est fondée, ou on croit la fonder, sur les faits suivants. Premièrement, l'acquisition de la langue parlée avant la langue écrite, dans le cas de la langue maternelle. C'est un fait d'ordre psychobiologique, ordre unique et nécessaire. C'est un fait d'observation. Mais peut-on transposer ce fait d'observation à l'acquisition d'une langue étrangère? Dans des écoles, je dis bien dans des écoles, eh bien on l'a cru. Je rappellerai, par exemple, que notre collègue Fernand Marty, bien connu aux États-Unis, et qui est certainement un des plus remarquables expérimentateurs de méthode, un homme d'une conscience et d'une puissance de travail remarquable, eh bien Marty différait la présentation de l'écrit de 6 à 7 mois dans les années 1950, lorsqu'il était à Middlebury College. Eh bien, de nos jours, et ça date déjà de 3-4 ans, ce délai, ce qu'on appelle le time lag, entre la présentation de l'oral et de l'écrit, est réduit par Marty à quelques secondes. Mieux, elles peuvent être présentées, ces formes orales et écrites, simultanément, la seule condition étant qu'une forme écrite ne doit jamais être présentée sans être accompagnée de la forme orale correspondante. Il a fait toutes sortes de tests en réduisant son time lag, et il s'est aperçu que lorsqu'on présentait ces formes en même temps, eh bien, les résultats étaient les mêmes, il n'y avait pas de différence significative. Donc voilà un exemple, n'est-ce pas ? On a posé en principe, on a transposé la méthode d'acquisition d'une langue première, alors que l'enfant ne connaît rien d'autre, et que fatalement les processus d'acquisition de la langue maternelle sont différents de celles de l'acquisition d'une langue seconde, qui en général est l'objet d'enfants déjà assez âgés, 9, 10, 11, 12 ans, ou d'adultes. Bien sûr, un enfant de 1 an qui apprend deux langues en même temps se trouve placé dans les conditions d'apprentissage de deux langues maternelles, pratiquement, dans le cas d'une famille bilingue. Deuxième point, il est plus facile de passer des formes parlées aux formes écrites que des formes écrites aux formes parlées. Ça a été un des credos de la linguistique dite appliquée. Eh bien, ça n'a jamais été clairement démontré. Jamais. Et le célèbre psychologue américain, psychoéducateur américain John Carroll, écrivait il n'y a pas si longtemps dans la Harvard Review of Education que la présentation visuelle, c'est-à-dire graphique, est une aide qu'il ne faut pas négliger. Je cite, « Toutes choses égales, dit-il, j'ai traduit en français pour... Enfin, j'aurais pu le dire en anglais, vous comprenez l'anglais, mais ma traduction est, je crois, exacte, sinon élégante. « Toutes choses égales, les matériaux à enseigner, présentés visuellement, sont appris plus facilement que les mêmes matériaux présentés oralement. » Il pense à des adolescents et à des adultes. Une théorie valable de l'acquisition des langues devrait tenir compte de la façon dont l'étudiant utilise les éléments visuels correspondant aux éléments sonores qu'il apprend et contribuer à déterminer quelle doit être l'utilisation optimale de ces éléments visuels, par exemple les mots écrits, les transcriptions phonétiques ou tout autre système de symboles visuels. Donc, il semble bien que lorsque l'on a affaire à des enfants déjà scolarisés et qui savent lire leur langue maternelle, qu'on aurait tort de se débarrasser de l'avantage de la forme écrite. D'autant plus que la forme écrite, je pense au français en particulier, n'est pas aussi mauvaise qu'on veut bien le dire. C'est très curieux, vous savez, le pendule se promène. Il y a 15 ans, ou il y a 20 ans, j'avais assisté à des conférences aux États-Unis. Moi-même, j'ai écrit des sottises, n'est-ce pas ? Je croyais aux vertus d'une orthographe phonétique, étant phonéticien de formation. Et puis, j'ai changé d'avis, et j'en ai eu la confirmation, enfin, que j'étais dans le bon chemin en changeant d'avis, lorsque Albert Waldman, un linguiste très connu des États-Unis, professeur à l'Université d'Indiana, a écrit un article dans le Modern Language Journal, intitulé, n'est-ce pas, « Nothing, not everything is wrong with French spelling », démontrant que l'orthographe française n'est peut-être pas phonétique, mais elle est morphologique, et qu'on aurait tort de se passer des indications qu'elle donne. Bien sûr, il y a des choses à simplifier. Quant au behaviorisme, assez simpliste, me semble-t-il, et accepté d'emblée par la méthode dite linguistique, son efficacité dans l'enseignement des langues est fortement mise en doute. On connaît bien sûr les expériences de conditionnement des pigeons faites par le fameux Skinner et faites en laboratoire. Ces pigeons peuvent être dressés à accomplir pratiquement n'importe quoi. N'importe quel geste, par une série de stimuli, de réponses, de renforcement, reinforcement. Or, John B. Carroll déclare au sujet de ses expériences que des doutes très sérieux sont exprimés sur la façon dont ce principe peut s'appliquer à l'enseignement des hommes, car il ne donne pas toujours de résultats et d'autres facteurs peuvent entrer en jeu. Et vous savez bien sûr que les théories de Skinner, en ce qui concerne le langage, ont été soumises à une critique extrêmement serrée par le fameux Chomsky dans le compte-rendu qu'il a fait du livre de Skinner, Verbal Learning and Verbal Behavior. Nous sommes donc très loin de l'assurance de ceux qui déclaraient, il n'y a pas si longtemps, il y a une dizaine d'années, la méthode linguistique suit de très près les plus récentes théories de la psychologie de l'instruction et allait même jusqu'à accorder aux linguistes la paternité d'importantes découvertes dans ce domaine. Le linguiste, je cite, a fait d'importantes découvertes touchant au processus psychologique impliqué dans l'acquisition du langage, article de la French Review il y a 7 ou 8 ans. Eh bien, ces citations me paraissent typiques d'un état d'esprit erroné, le deuxième surtout, qui n'est manifestement pas fondé et exprime indubitablement la confusion entre le fait que la pratique d'une langue représente un fait de comportement, ce qui est une matière d'observation, et les méthodes possibles pour parvenir à ce comportement, ce qui ne peut être découvert que par l'expérience. Il y a eu confusion de ces deux points. Or, les linguistes, me semble-t-il, n'ont pas une compétence particulière pour se prononcer sur ce point. Je parle des linguistes, enfin théoriciens, si vous voulez, enfin ce qui est un peu mon cas, bien que j'ai fait beaucoup de linguistique appliquée, mais je vous que je n'en fais plus depuis quelque temps. Je n'ai plus le temps. Ayant éliminé ainsi quelques-unes des prétentions injustifiées des linguistes quant à l'apport de la linguistique à l'enseignement des langues, on peut voir ce que cet apport a pu avoir et peut avoir, et je crois qu'il a, je suis fermement convaincu qu'il peut avoir, un apport très positif. Je crois tout d'abord que l'apport de la linguistique à l'enseignement des langues se manifeste moins dans le détail des méthodes inspirées par les linguistes que dans le changement des idées que l'on pouvait avoir sur la nature même du langage. En un sens, je crois que la linguistique, pour ceux qui ont suivi des cours d'introduction à la linguistique générale, a, je crois, contribué à démystifier ou démythiser, comme vous voudrez, le langage, tel qu'il est présenté dans les ouvrages traditionnels et tel que beaucoup de gens encore le conçoivent. J'ai été interviewé il n'y a pas longtemps à Radio-Canada par quelqu'un qui, visiblement, avait suivi des cours de linguistique et m'a posé des questions, mais invraisemblables. Ça aurait pu m'être posé par un homme honnête du XVIIIe siècle ou du XIXe siècle. Les idées fausses ont la vie dure. J'ai dû lui expliquer, enfin en quelques mots, ce qu'était que la linguistique. C'était une gageure en 2 minutes. Par exemple, la linguistique descriptive a prouvé qu'une langue est un phénomène complexe et que si la littérature écrite forme l'illustration la plus haute de cette langue dans les civilisations où cette littérature existe, et si la grammaire fondée sur ces littératures constitue la norme dans ce qu'elle a de plus élevé, elle ne forme pas toute la langue. Je pense par exemple aux études faites actuellement par l'école post-générativiste aux États-Unis, par le professeur William Lebov en particulier, qui vient de passer 10 jours avec nous à McGill, et qui prête grande attention à l'étude de ce qu'il appelle les dialectes, c'est-à-dire les répartitions sociologiques de la parole, des formes du langage, aux États-Unis. On ne peut pas négliger cela. Quand on lit, par exemple, dans Le Devoir ou dans la presse, on condamne le joual. Remarquez, je suis personnellement contre le joual. Mais quand on dit des énormités pareilles, le joual est un dialecte qui n'a ni lexique, ni syntaxe, ni grammaire. Mais c'est absurde! C'est complètement absurde. Toute langue, quelle qu'elle soit, tout dialecte, quel qu'il soit, tout pidgin, quel qu'il soit, a une structure très cohérente. Maintenant, qu'on l'enseigne dans les écoles, ça c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. Mais un linguiste en tant que linguiste n'a pas le droit de négliger une forme d'une langue, quel que soit son statut social. Et ça, je crois que c'est une attitude très saine. Ensuite, en tant que pédagogue, en tant que citoyen, on peut choisir. C'est souvent une option politico-culturelle. Ça n'est plus de la linguistique. Alors là, ça peut être subjectif. Le linguiste, lui, doit être objectif. La linguistique a montré que les sujets parlant une langue n'appliquent pas des règles formulées une fois pour toutes. Des règles absolues, régnant dans un empiré protégé par les dieux, mais suivent à l'intérieur d'une même communauté, un usage variant avec le temps, et que c'est le système ou les structures des traits linguistiques de cet usage qu'il fallait révéler. Ce passage de vue grammatical essentialiste, la grammaire nous a été donnée, elle n'est plus d'origine divine, mais avant on le croyait, n'est-ce pas ? Il y avait une norme française, dont l'Académie française est la gardienne, règle immuable et donnée une fois pour toutes, Donc, point de vue très essentialiste, on est arrivé, on en est venu à une linguistique que j'appellerais somme toute existentialiste, mais Sartre n'y est pour rien, rassurez-vous, et ça me paraît fondamental. Autrement dit, la langue est devenue un fait d'observation. N'est-ce pas ? J'étais à Paris peu de temps avant Noël, j'ai participé à des réunions et j'ai entendu des sorties extrêmement violentes contre la réforme actuelle de l'enseignement du français en France. Les circulaires du ministre M. Fontanet venaient de sortir et l'Assemblée, composée de gens distingués, était dans un état total de paranoïa. J'aurais dit, écoutez, on peut être contre les recommandations du rapport Emmanuel, de la commission Emmanuel, mais être contre en donnant des arguments solides. Vous, ce sont des arguments passionnels. Immédiatement, on veut détruire la langue française. Enfin, comme s'il y avait un complot où se mêleraient les sartriens, les maoïstes, les soviétiques, je ne sais quel groupe clandestin. Enfin, c'est de la folie pure. Maintenant, on peut être contre. On peut être contre, mais à condition, bien sûr, de défendre ses idées sur un terrain essentiellement, je crois, scientifique et pédagogique. Donc, la linguistique, pour en revenir à ce que je disais, a par voie de conséquence contribué à replacer, sous son vrai jour, la notion de norme, la notion de standard, et à mieux expliquer l'usage social d'une langue, les formes dialectales, les parlées, ou de l'usage individuel, les formes que l'on appelle idiolectales, à nuancer la distinction entre ce qui est correct et ce qui ne l'est pas, et à expliquer de façon rationnelle les déviations fréquentes faites dans l'usage par rapport à la norme. Je pense non seulement à la grammaire des fautes de Frey, qui s'intéressait à des prisonniers de guerre, enfin très peu scolarisés ou pratiquement illettrés, mais on pourrait établir des sottisiers langagiers ou grammaticaux des plus grands écrivains et des plus grands conférenciers, voire Grevis, qui en donne d'excellents exemples. Gide oubliant les accords de participe passé, enfin avec avoir quand il faut les faire, etc. Personne n'est immunisé contre ce genre de fautes. Alors on peut peut-être dire, incidemment, comme le disait je ne sais plus quel linguiste, qu'il y a des fautes là où le système grammatical ne fonctionne pas. Enfin, il y a possibilité, danger de faute là où le système grammatical ne fonctionne pas. Mais ça, c'est une autre affaire. Autre point important mis en valeur par la linguistique. Si la langue d'aujourd'hui est le produit d'une évolution historique, elle n'en forme pas moins un système en soi. Vous reconnaissez là sans doute la distinction désormais classique et établie par De Saussure entre la description diachronique dans le temps et synchronique à l'état actuel d'une langue, à l'état au niveau actuel ou à un niveau dans le temps, un niveau déterminé. Eh bien, malgré tout, cette langue, si la langue aujourd'hui est le produit d'une évolution historique, elle n'en forme pas moins un système en soi que les usagers utilisent sans se référer à l'histoire de la langue, sauf ceux qui ont suivi des diplômes de grammaire et philologie française, par exemple. Mais quand je parle, j'ai fait ces certificats-là moi-même, quand je parle, je ne fais aucune référence à l'histoire de la langue, aucune référence consciente. Autre point important mis en valeur par la linguistique, si la langue d'aujourd'hui est le produit d'une évolution historique, enfin, la remise à l'honneur de la langue parlée, coïncidant du reste avec l'énorme accroissement des moyens audiovisuels d'information, radio, télévision ou de création artistique, disques, cinéma, me paraît, enfin, très positif. Il y a certainement, sans aller aussi loin que Marshall McLuhan, il y a très certainement une littérature orale qui est en train de renaître actuellement avec, par exemple, la télévision. On écoute, on entend, mais on ne lit pas ce qu'il y a à la télévision, à moins que le texte n'en soit publié. Eh bien, donc, cette façon sereine, objective, d'envisager la vie d'une langue et de remplacer, en fait, la prescription par l'observation attentive et intelligente du langage, exerce incontestablement un attrait considérable sur de nombreux esprits, bien que de profonds malentendus subsistent encore entre linguistes d'une part et professeurs de langue à orientation littéraire d'autre part. Il faut dire que les uns et les autres ont leur tort, et étant linguiste, je peux me permettre de critiquer mes collègues, il faut avouer que les linguistes se sont rendus quelquefois particulièrement odieux, autant que les autres du reste, mais enfin, eux, je peux me permettre de les critiquer, je ne me permettrai pas de critiquer un littéraire. Il y a eu du reste constamment des malentendus qui ne sont pas encore résorbés, si je puis dire, ou réglés aujourd'hui. Bon, mais vous me direz, bien c'est tout. C'est tout l'apport de la linguistique à l'enseignement des langues. Non, mais sans doute, à mon avis, ce changement d'état d'esprit du professeur de langue vivante, s'il a été bien formé, ce changement d'esprit me paraît certainement être l'apport peut-être le plus positif de la linguistique à l'enseignement des langues. En fait, les rapports effectifs entre la linguistique et l'enseignement des langues ne sont pas faciles à définir. Sans doute pour la raison essentielle qu'il y a une différence de nature entre ces deux domaines. Bah, la linguistique, branche des sciences humaines, a approché de très près l'enviable rigueur des sciences naturelles. C'est vrai. Mais cet état privilégié a été atteint au prix d'une austérité exceptionnelle, elle aussi. C'est ainsi que l'analyse structurale interdit ou tout au moins décourage tout appel à la signification, que les informations non linguistiques ou paralinguistiques transmises par la parole sont éliminées, en particulier toute considération de nature affective. L'analyse scientifique d'une langue vise finalement à une description simple, économique, cohérente et élégante, si c'est possible, d'un système linguistique. Or, comment enseigner une langue sans tenir compte du sens ? Comment rendre vivante l'algèbre linguistique ? Ce qui satisfait logiquement n'est pas nécessairement efficace au point de vue pédagogique. On conçoit donc que des méthodes d'enseignement qui ont été basées sur les résultats de la linguistique descriptive soient elles-mêmes austères et par là même courent le danger d'aller contre le but recherché. Je sais très bien que les choses ont un peu évolué, le sens est revenu. Les linguistes maintenant s'intéressent de nouveau à la sémantique, Dieu merci. Mais l'abstraction, l'extraordinaire abstraction et technicité de la linguistique reste. Prenez les formulations abstraites de l'école transformationnaliste des États-Unis. Hier, j'ai eu un séminaire avec mes gradués, nous avons raisonné pendant 2 heures, ou essayé de raisonner, à coup de formules écrites au tableau. C'était une sorte de mathématique. Et je défie quiconque n'est pas initié à ce genre de langage abstrait, sous forme de formule, d'y comprendre quoi que ce soit. Pour vous donner un petit exemple qui vous détendra peut-être de certaines limites que les linguistes ont atteintes, voici un exemple que j'ai pris dans Introduction to Linguistic Structures d'un excellent linguiste américain, Archibald Hill, professeur à l'Université du Texas. Il dit par exemple que la forme abstraite, du pronom objet de la première personne du pluriel en anglais est celle-ci. C'est une forme abstraite qui n'existe que dans le cerveau et que nous devons appliquer des règles pour obtenir la forme réelle as. N'est-ce pas ? Alors, il passe par tout un système extrêmement compliqué. Bon, vous avez tout d'abord la forme Wim, n'est-ce pas, qui correspond à oui. Vous avez ensuite la forme, after oui se transforme en S. On se demande pourquoi. Et le oui, n'est-ce pas, qui résulte devant S devient un E. Alors on a bien, en effet, dans la prononciation, la forme, disons, as, quelque chose comme ça. De même, il explique que our vient d'une forme abstraite qu'il écrit comme ceci, we're, n'est-ce pas, avec toutes sortes de règles, n'est-ce pas, le R se transforme en je ne sais quoi, enfin bref. Alors on en arrive à un système qui peut être satisfaisant pour l'esprit, mais qui ne repose sur aucune évolution de la langue anglaise, et quand on arrive à ce jeu, n'est-ce pas, on peut conclure, comme le faisait Voltaire, que la philologie est la science où les voyelles ne comptent pour rien et les consonnes pour peu de choses. C'est ce genre de choses, n'est-ce pas ? Et n'oubliez pas que des choses telles que je viens de mentionner au tableau très rapidement, je n'ai pas voulu entrer dans les détails, ont été enseignées aux États-Unis en particulier dans les NDE Institutes. J'ai enseigné 2 années de suite dans un NDE, 3 3 études de suite dans un Indie Institute avancé, à des professeurs qui avaient déjà suivi des cours de linguistique dite appliquée et qui en avaient conçu un écœurement, n'est-ce pas, d'une profondeur extraordinaire. J'ai dû les récupérer. Je crois que j'y réussis. Bien, prenons quand même des points sur lesquels la description convenable cette fois, et non pas abstraite d'une langue, peut être immédiatement utilisable dans l'enseignement des langues. Je vous rappellerai que, s'agissant des sons du langage, la phonétique a été utilisée dans la pédagogie des langues depuis très longtemps. Ça ne date pas d'hier, ça date, disons en Europe, de Sweet, de Passy, de Daniel Jones, qui ont contribué très efficacement à l'amélioration des méthodes. Il y a eu toute une école autour de Daniel Jones qui a produit des pédagogues remarquables. Je pense à Palmer, qui a été longtemps directeur de l'Institut britannique de Tokyo, et dont les livres me paraissent encore aujourd'hui remarquables pour l'enseignement de l'anglais, langue étrangère. On peut dire que la phonétique avait acquis son plein rendement avant que la linguistique moderne n'introduise les notions de phonème, d'allophone, d'archiphonème, etc. Prenons un exemple. Importante a été franchie en français lorsqu'aux 4 ou 5 timbres distingués par certains phonéticiens à la fin du siècle dernier pour des voyelles comme « e », allant de « e », de « été » à « e », de « e », « h », « a », « e », par exemple. Un timbre fermé aigu, fermé grave, moyen ouvert grave, ouvert aigu, etc. Eh bien, évidemment, un phonéticien avec qui a l'oreille exercée peut distinguer même 6, 7, 8 timbres, mais ça avance à quoi? À ces 4 ou 5 ou 6 timbres ont été substitués deux timbres seulement, le « e » fermé et le « e » ouvert. Et vous savez qu'actuellement, la distinction tend à se perdre en français. Les puristes diront qu'il y a encore deux « e », un « e » et un « e ». Or, des enquêtes faites à Paris il n'y a pas tellement longtemps par des élèves de Martinet montrent que, en particulier les jeunes parisiens, mais c'est la même chose chez les méridionaux, ont tendance à prononcer en syllabe ouverte à la fin d'un mot un « et » fermé, et de dire « je bois du lait, je suis français », etc. Donc on a français, française, anglais, anglaise. Et mon collègue Pierre Léon de Toronto, dans sa méthode pour enseigner la prononciation française aux étrangers, aux non-francophones, au début, élimine ces distinctions, parce qu'on les torture pour des distinctions que ne font plus des Français cultivés. Alors, pourquoi être plus puriste que des Français qui ont l'agrégation ou le doctorat d'État ne le sont? Je me demande bien. On exige plus de nos élèves qu'on exige d'un petit Parisien, c'est stupide. Donc, Léon en particulier dit, eh bien, en français, il y a un phonème « et ». Qui du reste peut se prononcer « et » ou « est », suivant les cas, ça n'a aucune importance. Alors vous comprenez, le « je pourrais » futur et « je pourrais » conditionnel, à mon avis, c'est du folklore, tout ça. Ça sert à amuser les grands-mères de l'Alliance française. Mais ça ne va pas plus loin. J'ai écouté Maurice Garçon il y a quelques années, le grand avocat parisien, né à Paris. Et j'ai toujours un carnet de notes quand je vais à des conférences. Il parlait à l'Alliance française de Montréal, il y a 10-15 ans de cela. Eh bien, il faisait les confusions les plus totales entre « et » et « et ». Il avait bien les deux, mais il les utilisait n'importe comment. Alors, de grâce, n'ennuyons pas nos élèves avec ces choses-là. Et de fait, ce ne sont pas des différences vraiment distinctives. Prenons un autre point. Je crois que les travaux qui ont été faits sur la morphologie du français en particulier, je parlerai plutôt de français ce soir, par des linguistes tels que Robert Hall Jr. aux États-Unis, tels que Martinet, Dubois et également votre serviteur. Je pense à la petite grammaire du français parlé dont j'ai été le rédacteur en chef il y a exactement 5 ans déjà. Publié dans le français dans le monde et maintenant sous forme de livre, où mes collègues et moi, enfin les collaborateurs de ce numéro et moi, avons essayé de décrire le français parlé comme le ferait un linguiste qui débarquerait en France sans connaître le français en appliquant les méthodes de la linguistique descriptive. Alors, on s'aperçoit effectivement que l'on arrive à une description qui est très différente, complètement différente de celle que l'on trouve dans les grammaires traditionnelles. En particulier la fameuse règle du « e » au féminin pour les adjectifs, pas grand, des grandes, des e, etc., ça ne tient pas debout. En réalité, la règle fondamentale de la formation du féminin en français dans les adjectifs, c'est le fait que les adjectifs au masculin se terminent en général par une voyelle et les adjectifs féminins par une consonne. Il y a maintenant des sous-règles. Ce qui fait qu'il est plus économique de partir des formes du féminin et de soustraire la consonne, parce que si on ne connaît pas une langue, on ne sait pas quelle consonne il faut ajouter. Si vous donnez « petit » à un élève, il pourra dire « petite, petite, petise », il ne sait pas. Tandis que si vous dites « petite » au masculin, vous enlevez la consonne finale, ça devient « petit ». Une petite fille, un petit garçon, etc. Ça paraît tellement évident. Mais quand j'ai expliqué ces questions-là, il y a quelques années, à des collègues à Paris, ils sont tombés des nues, et ce numéro du français dans le monde a été accueilli avec beaucoup d'inquiétude en France. Je pense en particulier à Canroux, n'est-ce pas, qui pourtant est un progressiste, critique linguistique des lettres françaises, journal paracommuniste, qui a dit « mais c'est très inquiétant, on ne reconnaît plus le français ». Ben oui, mais c'est basé sur le français qui se prononce, c'est pas une invention. Mais ça l'inquiétait, ce cher homme. Et pourtant, c'est un philologue qui a fait un atlas linguistique du Languedoc. Mais c'est vrai que c'était pas la même langue, c'était du provençal. Alors, je crois que ce genre de choses est extrêmement important. Si on veut faire des exercices de laboratoire pour enseigner la langue parlée, c'est inutile de baser ces exercices sur la grammaire de la langue écrite, ça ne mène à rien. Autant partir de la description structurale du français parlé. Alors je crois que la façon la plus intelligente, finalement, c'est celle, par exemple, de Desberg, dans un de ses livres, qui présente sur la même page, en deux colonnes, forme parlée, forme écrite, et fait les rapports. S'adressant à des étudiants du niveau college ou senior high school, il faut faire appel à leur intelligence, ils savent lire, et il faut que les exercices au laboratoire, tout au moins, soient basés sur la structure du français parlé, et non pas celle du français écrit, qui est un habillage. Voyez-vous, on peut montrer qu'il y a des rapports, du reste, très nets. Il y a une consonne prononcée quand elle est suivie du « e » graphique. Ah. Quand une consonne n'est pas suivie du « e » graphique, en général, elle est muette, dans le cas des adjectifs. On pourrait éventuellement se passer d'une transcription phonétique, du reste. Je ne veux pas dire qu'il faille utiliser la transcription phonétique. Mais au moins, faire les exercices de telle façon qu'ils sont basés sur une description cohérente du genre grammatical en français. Enfin, je vous renvoie à ce petit article où j'ai essayé de faire une classification cohérente des formes que revêt le genre grammatical en français dans les adjectifs. Prenons un autre cas, ce que nous avons appelé à McGill « the Lola problem ». Moi, j'y avais jamais pensé parce que, parlant français... Je sais très bien quand il faut dire « là » ou quand il faut dire « le ». Sauf quand je tombe dans les listes vicieuses de grévistes, les mots ambigus. Un alvéole, une alvéole, un astérique, une astérisque, un anagramme, une anagramme. J'ai fait des tests avec des collègues. Bah, licenciés, capétiens, agrégés, docteur, troisième cycle, PhD. C'est une salade, ils ne savent pas. Et je vous l'avouerai à ma grande honte, quelquefois je regarde le dictionnaire pour savoir quel est le genre d'astérisque. J'étais traumatisé par ce mot-là. Eh bien, les psychologues de McGill se sont rendus compte qu'il y avait un problème. Parce que d'abord, ils avaient appris le français comme langue seconde. Alors l'un d'entre eux, un étudiant de doctorat, un Américain, a fait sa thèse sur ce qu'il appelait « French speakers skill with grammatical gender ». Et il ne savait pas par quel bout commencer sa thèse, alors j'étais co-directeur de sa thèse avec Wally Lambert, le psychologue. Alors nous avons commencé par établir le classement inverse de tous les mots du Petit Larousse, enfin tous les substantifs, pardon, du Petit Larousse, il y en a 32 000 et quelques, à l'université de Besançon. Mon ami Kemada a fait cela avec ses machines électroniques. Ensuite, mes étudiants ont transcrit tout cela en phonétique, et on a fait des classements par terminaison écrite et parler. Et on s'est aperçu que tout cela s'organisait d'une façon assez remarquablement cohérente. Le livre de ce psychologue de McGill, qui est maintenant un de mes collègues, qui s'appelle Richard Tucker, doit sortir prochainement, s'il n'est pas sorti déjà, chez Mouton à La Haye, sous son nom, celui de Lambert et le mien. Quand on voit par exemple que 100% des terminaisons 1 en français, comme dans UN, sont masculines, que 99,3 déterminaisons en, quelle que soit la graphie, sont masculines, que 99% des terminaisons 1, il y a des milliers de mots en français qui terminent par 1, n'est-ce pas, I-N, E-A-I-N, E-I-N, A-I-N-T, etc. 97% des mots qui se terminent par E sont masculins. 97% également des mots se terminant par le son O, quelle que soit la graphie. C'est considérable. C'est considérable. Personne n'y avait songé. Quand vous lisez la grammaire de Grevy's, qui est la meilleure grammaire française, eh bien, il donne quelques règles basées sur le sens. Les noms de métaux sont masculins, les noms de sciences, religions sont, etc., féminins. Et puis le reste, ça s'apprend par l'usage. Mais c'est pas vrai. Parce que finalement, nous avons fait des tests auprès de plus de 1000 sujets au Canada et en France, enfin au Québec et en France, où nous avons présenté des mots très rares, sortis du Petit Larousse, que les élèves n'avaient jamais vus. Des mots artificiels que j'ai fabriqués moi-même, qui pourraient exister en français, comme coupation par exemple, avec la racine coupe et la terminaison ation. Et même des mots entièrement inventés, certains je les ai empruntés. Par exemple, j'ai emprunté vistamboire à Jacques Perret. J'espère que vous avez peut-être lu dans Jacques Perret cette histoire extraordinaire qui s'appelle, n'est-ce pas, le vistamboire. Enfin, c'est pas le vistamboire, mais on ne sait pas ce que c'est finalement à la fin. Alors, quel est le genre grammatical de vistamboire ? Et on s'est aperçu que les élèves réagissaient aux terminaisons. On leur demandait d'encercler un ou une pour indiquer le féminin qui était placé devant le mot. Ils réagissaient de telle façon que les statistiques des réponses des élèves correspondent en gros aux statistiques que nous avions trouvées en analysant le corpus du Petit Larousse. Ce qui prouve indubitablement qu'il s'agit là d'une acquisition par la pratique et de la création de règles internes, ce qu'on appelle en anglais « rule govern behavior ». Eh bien ça, personne ne l'avait trouvé avant, voyez-vous. Et quand j'ai fait l'exposé de ces recherches au Congrès international des linguistes à Bucarest en 1968, les Français qui étaient là étaient un peu sidérés, et certains étaient dubitatifs, d'autres disaient « il y a longtemps qu'on sait ça », mais je dis « il y a longtemps que vous le faites, et vous ignoriez la chose ». Quant aux Soviétiques, aux Allemands, aux Anglais qui étaient là, eux écoutaient de toute oreille et on leur a envoyé des copies de la thèse, etc. Eh bien, nous avons fait l'expérience à McGill. Nous avons pris 6 cours de première année, des élèves qui sortaient des high school à ce moment-là, ce qui équivaudrait à la première année de cégep maintenant. On leur a administré un test sur le genre grammatical. Les réponses étaient à peu près, dans l'ensemble, 50-50. C'est-à-dire, ils répondaient au hasard. Eh bien, on a gardé un groupe témoin auquel on n'a pas touché, et les 5 autres groupes, avec accord des instructeurs, à chaque leçon, pendant 2-3 minutes, on leur présentait des problèmes de genre grammatical. Je vous fais grâce des détails, mais le groupe qui était en somme le mieux traité, si je puis dire, on lui donnait d'abord la description du genre en français suivant les terminaisons parlées et graphiques, les principales. Et ensuite, on leur faisait faire des exercices d'application où il fallait qu'ils mettent le genre. Au bout de 6 semaines, on a testé ces élèves. Le groupe témoin répondait toujours au hasard. Et le groupe, soumis pendant seulement 6 semaines à ce petit régime et quelques minutes par heure de cours, eh bien, avait amélioré son score d'au moins 25 à 30%. Alors pourquoi on peut utiliser ces choses-là dans l'enseignement ? Car si on n'est pas francophone, on ne sait jamais le genre d'un mot en français. Je parlais de cela avec une collègue, une Canadienne anglaise, qui avait passé au moins 7-8 ans à Paris, dont le français était parfait. Et un jour, elle était venue me voir dans mon bureau, et je lui parle de mes recherches. Elle me dit, mais vous savez, c'est pas un problème. Elle avait ses gants à la main. Elle me dit, ça, je sais que c'est une gant. Et bien, je dis, non, Margaret, c'est un gant. Elle était déconfite. Voyez-vous ? Bon, voilà des choses immédiatement utilisables. Maintenant, il ne s'agit pas de donner aux élèves tous ces tableaux compliqués, n'est-ce pas, que nous avons faits. C'est pas cela dont il s'agit. Mais finalement, d'apprendre le genre grammatical aux élèves par des exercices appropriés. Et c'est très important, puisque ce genre grammatical se répercute en français à travers toute la phrase, et dans la langue écrite, et dans la langue parlée. Si j'utilise le mot « montagne », je dirais « la grande montagne blanche ». Si j'utilise le mot « sommet », ça sera « le grand sommet blanc ». Ça se répercute tout du long. Une réaction en chaîne. C'est très important. Par contre, prenez les questions de pluralité en français. Le pluriel en français ne s'exprime pratiquement jamais par un S, mais il s'exprime par toutes sortes d'autres moyens dont la liste peut être faite. Et si on enseigne la langue parlée, il faut apprendre les élèves à décoder ce pluriel à l'oreille. Alors c'est en général la voyelle « et » avant un mot, n'est-ce pas ? Le garçon, les garçons, la fille, les filles. Ça peut être la finale d'un verbe, n'est-ce pas ? Écrit, écrive. Là, le pluriel est indiqué par « ve », etc., etc. Là, ce sont des choses immédiatement utiles, et je pense, et je crois que du reste, qui sont bien entrées maintenant dans l'enseignement du français langue seconde. Pour ce qui est de la grammaire, alors là, nous sommes devant un problème infiniment plus complexe. Morphologie, phonologie, phonétique, on a affaire à des listes assez limitées d'unités, enfin phonèmes, morphèmes, pour la syntaxe, qui se combine suivant du reste, des règles bien déterminées. Pour la syntaxe, là, quelles sont les structures de base du français ? Lucien Tenière a essayé de les déterminer, Gustave Guillaume, ceux qui ont appliqué la grammaire transformationnelle au français, mais c'est beaucoup plus confus. Parce que si l'on pense à la grammaire et à la grammaire que l'on peut appliquer dans des classes, on se rend compte par exemple qu'il y a une foule de théories et de grammaire. Je n'en citerai que trois. La tagmémique, qui sont nées aux États-Unis du reste. La tagmémique, les constituants immédiats et la grammaire transformationnelle. Tagmemics, immediate constituents and transformational generative grammar. Eh bien, à laquelle de ces trois grammaires concurrentes doit-on... appliquer à l'enseignement ? Je sais que de bons esprits, comme M. William Moulton, professeur de linguistique générale à Princeton, qui est un très grand linguiste, président du Comité international permanent des linguistes depuis l'an dernier, et que j'estime infiniment. C'est un grand germaniste et un homme qui a beaucoup de bon sens et qui a écrit peut-être les meilleures choses sur la linguistique dite appliquée. Mais quand il dit, n'est-ce pas, l'état de confusion dans lequel se trouve actuellement le linguiste est bénéfique au professeur de langue, tu parles. Il se trouve en effet que ces trois façons d'aborder les problèmes de syntaxe mettent à notre disposition trois magnifiques théories sur lesquelles on peut bâtir des types différents d'exercices structuraux. Et il mentionne la tagmémique qui conduit aux exercices de substitution. C'est là où on substitue les paradigmes, n'est-ce pas, dans une phrase. La théorie des constituants immédiats aux exercices d'expansion, puisqu'il s'agit d'étendre une phrase, et la grammaire transformationnelle aux exercices de transformation. L'embêtant, c'est que lorsqu'on lit les exercices inventés par les jésuites au XVIe siècle pour apprendre le latin, ils faisaient déjà ça. Sans Kenneth Pike, père de la tagmémics, sans Chomsky, père de la transformationnelle. Alors j'admire l'écuménisme de Moulton, n'est-ce pas, que je respecte encore une fois, je ne veux pas me moquer de lui, loin de là. Mais je crois que son appel aux théories pour bâtir des exercices structuraux ne soit qu'une justification a posteriori, n'est-ce pas ? En réalité, je ne pense pas que des méthodes d'enseignement vraiment solides soient sorties des recherches transformationnalistes, sauf peut-être pour l'anglais, mais là, je décline toute compétence pour juger les résultats. Et puis enfin, il ne faut pas oublier que même des gens comme Chomsky, si on veut appliquer son système, déclare que finalement, les systèmes linguistiques sont à peu près les mêmes. C'est-à-dire ce qui sous-tend, puisque le langage est le propre de l'homme, puisque l'homme a certainement dans son cerveau des canaux, n'est-ce pas, des circuits neuroniques propres au langage. Et ça, ça paraît absolument démontré. J'étais encore la semaine dernière à la conférence de neurologues à l'Institut de neurologie de McGill et de neurolinguistes, car il y a une nouvelle discipline qui s'appelle maintenant la neurolinguistique. Il semble effectivement que ce soit vrai. D'où Chomsky, n'est-ce pas, dans une tradition très cartésienne, d'où son livre Cartesian Linguistics, dit que finalement, toutes les structures profondes des langues se ressemblent et même que la structure la plus profonde est la même pour toutes les langues. C'est peut-être vrai, mais ça nous avance à quoi, si on est professeur de langue ? Parce que, enfin, dire que la structure profonde de l'anglais est la même que celle du français et du russe, il n'y a plus mieux qu'à mettre la clé sous la porte, parce qu'on ne nous donne aucun moyen, n'est-ce pas, d'enseigner. Je pense, en fait, et comme le signalait un de mes collègues de Nancy, M. Bourquin, à un colloque scientifique auquel nous participions tous les deux à l'Université de Bucarest il y a 4 ans, et où nous avons discuté de linguistique appliquée, et où le rapporteur, M. Rodard, linguiste suisse éminent, a fait un exposé qui représentait à peu près 15 pages écrites, 14 pages pour traiter des principes de linguistique structurale et une page pour traiter des applications, et en disant tout ce qu'il y a à transférer de cela dans l'enseignement, c'est vraiment très peu. Eh bien, Bourquin disait qu'il faudrait peut-être inverser, si vous voulez, la démarche actuelle. Et au lieu de partir de grammaire et de cadre théorique, il faudrait peut-être mieux partir des erreurs faites par les élèves, de les classer structurellement et de voir dans quelle mesure on pourrait s'y attaquer. Et je crois que ça serait effectivement une bonne idée. Par exemple, les difficultés des élèves ne proviennent pas uniquement des interférences entre la langue de départ et la langue d'arrivée, ou la langue maternelle et la langue que l'on essaye d'acquérir. On l'a cru longtemps. On va déterminer les points où il y a différence entre, disons, la structure de l'anglais et la structure du français. C'est le fait de la linguistique différentielle, ce qu'on appelle en anglais « contrastive linguistics ». Et on a cru que là où les points d'interférence étaient les plus flagrants, que c'est là que les élèves feraient le plus d'erreurs. Or, Politzer, professeur à l'Université du Michigan, a fait une analyse extrêmement détaillée des fautes commises par des centaines d'étudiants de français à l'Université du Michigan, et il a trouvé que 60% d'entre elles, au moins, ne sont pas dues à des interférences entre le français et l'anglais, mais sont dues à des généralisations fautives de structures du français dans des domaines où la langue française ne les utilise pas. Ça n'a rien à voir avec une interférence, voyez-vous. Donc, on voit les limites de l'application pratique de la linguistique différentielle, contrastive linguistics, et des prédictions qu'elle a pu se targuer de nous fournir. Par contre, je crois que les professeurs de langue vivante, qui du reste n'ont pas attendu la linguistique différentielle pour le faire, doivent continuer à établir des, ce qu'on appelle des sottisiers, pour essayer ensuite d'analyser, en somme, de façon cohérente et scientifique, les fautes faites par leurs élèves, et non pas de les traiter au coup pour coup, mais de les rattacher à un système de fautes. Il faudrait en somme faire ce que Henri Frey, le linguiste suisse, a fait dans sa fameuse grammaire des fautes, faire une sorte de grammaire des fautes des élèves, qui ne seront pas les mêmes, évidemment, pour les anglophones apprenant le français, ou pour les anglophones apprenant le russe, ou pour les francophones apprenant l'allemand. Et peut-être également pourrait être différente suivant les pays francophones. Je vois que le temps passe, je ne voudrais pas trop m'attarder. Je dirais donc qu'il y a eu un déferlement de la linguistique sur la linguistique dite appliquée. Et il semble bien que l'on déchante un peu. Je vous ai parlé de ce que disait Rodard, le professeur suisse, quand nous étions en Roumanie, tous les deux. Je le cite textuellement, il dit « Il est temps de se demander quel profit l'enseignement des langues a tiré de ce que la linguistique a acquis en un demi-siècle de renouvellement. » Il dit, il y a 4 ans de cela, « La réponse est à la fois simple et scandaleuse, très peu. Certes, dans toutes les disciplines, il y a obligatoirement un écart entre l'état de la recherche et la présentation didactique, mais cet écart est en grammaire énorme. » Je pourrais vous citer des passages de John Carroll. Et d'autre part, le terme linguistique appliquée me paraît terriblement ambigu. D'abord, quelle linguistique appliquée? Il y a des théories divergentes, qui toutes n'ont pas tort, car elles se placent à des points de vue différents et donnent des éclairages différents. On n'a pas encore trouvé de théorie intégrée de la linguistique. Mais quand on enseigne une langue, ce qui compte, c'est d'être efficace. Or, certainement qu'une bonne connaissance linguistique est essentielle de la part d'un professeur de langue. Son enseignement doit être basé sur une connaissance profonde des structures linguistiques de la langue qu'il enseigne. Mais enfin, il n'y a pas que la linguistique qui entre en ligne de compte. Il y a tous les facteurs d'ordre psychologique, ce qu'on appelle la psycholinguistique ou la psychopédagogie, et je vous en donnerai un exemple pour terminer. Il y a également l'utilisation de méthodes d'enseignement, de l'utilisation du rétroprojecteur, des diapositives, du laboratoire, du magnétophone, etc. Eh bien, je regrette, tout cela, ça n'a strictement rien à voir avec la linguistique. Et ça n'a strictement rien à voir avec la linguistique appliquée. C'est de la pédagogie. Moi, je serais partisan de me débarrasser de l'expression linguistique appliquée et la remplacer, comme on le fait du reste à l'Université Laval, par un vieux terme, que l'on appelle, qui est didactique des langues. On pourrait dire pédagogie des langues. c'est moins ronflant que linguistique appliquée, mais la didactique des langues devrait incorporer de la linguistique, certainement, ce qu'un professeur peut tirer des descriptions des linguistes pour améliorer son enseignement, pour faire des exercices ou écrits ou parlés plus cohérents, mais également s'entraîner à l'utilisation de moyens audiovisuels, acquérir des connaissances dans la psychologie, motivation, étude des attitudes, etc. Également dans l'acquisition, la psychologie de l'acquisition des connaissances. Et ce sont vraiment ces spécialistes que l'on devrait appeler, non pas des linguistes appliqués, ce qui en français est à double sens, n'est-ce pas ? Nous sommes tous, bien sûr, très appliqués dans ce que nous faisons. Mais, disons, des didacticiens de la langue. Alors là, je crois qu'il y a place pour des gens comme cela. Ils existent du reste, mais ils ne le savent pas souvent. Je crois finalement que on peut déduire que l'apport de la linguistique à l'enseignement des langues n'est pas, n'est-ce pas ? On peut le déduire, même s'il prétend l'être. Mais on peut voir aussi ce qu'il peut être. À mon sens, la seule contribution que la linguistique peut apporter à l'enseignement des langues, c'est de fournir de bonnes descriptions de ces langues. Le rôle du linguiste scientifique s'arrête là. Il ne consiste certainement pas à dire au professeur de langue ce qu'il faut enseigner, ni comment il faut enseigner. Une description linguistique n'est pas une méthode d'enseignement. Or, il y a 5-6 ans, il y a 10 ans, c'était exactement cela. On prenait Hackett, on prenait Martinet pratiquement, n'est-ce pas ? On simplifiait tous les termes un peu compliqués, et puis, en somme, on basait une méthode là-dessus. Enfin, j'exagère à peine. Ça me paraît une erreur profonde. Ceci dit, n'est-ce pas, devant la prolifération des descriptions qui nous sont proposées et des théories dont elles sont l'illustration, en considérant le fait que deux descriptions basées pourtant sur deux corpus analogues peuvent être fort différentes, et en tenant compte du problème de la terminologie utilisée, il est certain qu'il faut un intermédiaire, je dirais presque un médiateur, entre le linguiste scientifique et le professeur de langue proprement dit. Et à mon avis, si l'on veut garder le terme linguistique appliquée, je dirais que le spécialiste de linguistique appliquée à l'enseignement des langues aurait pour tâche, telle que je la vois, de traduire en termes clairs et compréhensibles pour de non-spécialistes les descriptions abstraites des linguistes, éliminer en particulier les formulations algébriques, éliminer le jargon technique quand il n'est pas absolument nécessaire, déterminer si les descriptions fournies par les linguistes ne sont pas seulement de simples remaniements de faits banals ou de catégories bien connues, enrobées dans un jargon scientifique donnant l'illusion de la science. Il n'est pas toujours aisé de le dire. J'ai trouvé une citation qui est très bien, je crois qu'elle s'applique à McLuhan, dans le texte où elle était. You are never sure whether he is onto something dazzlingly original or is merely providing dim, mysterious glimpses into the obvious. N'est-ce pas ? Ben, il faut éviter ça. Le spécialiste de linguistique appliquée doit faire preuve d'éclectisme et faire cohabiter des descriptions basées sur des théories divergentes si ces descriptions s'adaptent à l'objet de l'enseignement de la langue. Enfin, il doit formuler des hypothèses sur l'efficacité des descriptions retenues, ceci en consultation avec les psychoéducateurs, et faire vérifier ces hypothèses par des praticiens au niveau de la classe. Donc je crois que le rôle du linguiste, de l'applied linguist, je n'aime pas beaucoup l'expression linguiste appliquée, vous en rendez compte, serait en somme d'agir comme médiateur, comme intermédiaire, et de présenter au professeur de langue, ou s'il est lui-même professeur de langue, de fabriquer une grammaire qui soit, comme dit le psycholinguiste italien Renzo Titone, des grammaires enseignables, teachable grammars, et non pas des grammaires descriptives, fonctionnelles, structurelles, ça on s'en moque finalement, sur le plan de l'application. Teachable grammars, des grammaires enseignables. Il en existe du reste. Donc, si j'ai été un peu sévère pour les linguistes appliqués, ça ne veut pas dire que je ne crois pas, je crois que dans le fond que tout est à faire. Ou que beaucoup reste à faire, on a déjà d'excellentes applications de la linguistique, utilisation de la linguistique générale et des descriptions linguistiques dans l'enseignement des langues, mais il faudrait que cette linguistique dite appliquée englobe beaucoup d'autres choses, et peut-être, me semble-t-il, des livres comme le livre de Language Teaching Analysis de notre collègue William Francis Mackay de Laval, et peut-être une des voies, et peut-être la meilleure voie dans laquelle on peut s'engager. Je vois ici au fond de la salle, et ce n'est pas pour lui que je dis cela, notre ami Tagar, je crois que sa méthode d'enseignement du français, elle aussi tient très compte de cette de ce rôle d'intermédiaire entre les spécialistes très théoriciens du français et ceux qui doivent enseigner la langue. Tous ces livres-là me paraissent aller dans le très bon sens. Et enfin, il ne faudrait pas oublier, je voudrais terminer là-dessus, il me reste encore 5 minutes, je ne vous ferai grâce de rien, sur le rôle finalement aussi important et peut-être plus important dans l'enseignement des langues des facteurs d'ordre psychologique. Lorsqu'un élève, même relativement intelligent, ne réussit pas à apprendre une langue, eh bien on dit il n'est pas motivé. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'est pas motivé. N'est-ce pas? La motivation a souvent très bon dos. Oui, bien sûr, ça veut dire qu'il ne mord pas, c'est ce qu'on disait avant, n'est-ce pas? Il n'est pas mordu, il n'est pas emballé, enfin, ça n'accroche pas. Ben oui, mais pourquoi? Eh bien, il n'y a pas eu beaucoup d'études de fait, finalement, sur ce que l'on appelle la motivation. Je vais tâcher de vous retrouver une citation, justement, qui est assez intéressante, sur la motivation. Oui, motivation, je tire tiré du dictionnaire de philosophie de Lalande, ça me paraît une très bonne définition, relation d'un acte au motif qui l'explique ou le justifie. Mais quand on lit le petit Robert, on déchante un peu, surtout quand on est professeur de langue. Ensemble de... Le Robert, le grand, pardon, pas le petit. Ensemble de facteurs, la motivation, ensemble de facteurs déterminant le comportement de l'agent économique, plus particulièrement du consommateur. Remarquez qu'après tout, on peut dire que nos étudiants sont des consommateurs de français, mais enfin, ça me choque de parler dans ces termes-là. Enfin, disons qu'il s'agit effectivement de la relation d'un acte au motif qui l'explique ou le justifie. Là, je ferai très largement appel à... Je ne suis pas psychologue moi-même, mais j'ai pu participer à diverses expériences faites par l'équipe des psychologues de McGill sous la direction de Wallace Lambert et plus récemment sous la direction de John McNamara. Et en particulier de tests qui ont été administrés aux élèves de l'école française d'été de McGill à l'époque où j'en étais le directeur, dans les années 58-59, ça ne date pas d'hier, comme vous voyez. Mais on pourrait s'en inspirer, me semble-t-il, pour faire des études analogues. Finalement, nous avons administré des questionnaires qui contenaient des questions basées sur qui testaient, si vous voulez, 4 attitudes différentes, dont l'ensemble formait en somme peut-être les attitudes de motivation. En premier lieu, une série, vous me permettrez de me référer à un article que j'ai écrit là-dessus, et qui a été publié dans les Applied Linguistics and the Teaching of French.